Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de pénis, on parle de crème glacée et d'autres affaires bizarres qui se passent au Japon. Ouh, le Japon encore? Yes. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. En background aujourd'hui pour l'émission, 70% diminué, c'est Guerrier, ton beau combat. Mais on a quand même 8-Bit People. C'est Valérie, la fille de l'émission Erreur 404 qui m'a parlé de ce site-là. Elle savait que j'aimais la musique analogique. C'est du 8-Bit, puis c'est des compositions récentes. Super. Oh, et c'est du background, ça. Yeah. Sinon, c'est bien sûr Vénus de Milo qui a été voté. Un film de Simon Boisvert, on va en parler longuement, ça va être souffrant, on va passer au travers. Sinon, il y a un restaurant qui s'appelle Hung Fat, coin Jean-Talon, Saint-Denis. Et puis, on va passer des condoléances aussi à Benoît. Des condoléances, des souhaits de prompt rétablissement. Oui, une rate de trouvé, 10 de une rate de perdu, 10 de trouvé. Oui, c'est ça qu'ils disent, hein, je pense, par rapport à la rate. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il en enlève 9 après. Hein. Sinon, il y a le gentil Israël qui devrait venir nous rejoindre plus tard dans l'émission. Là, il est supposé avoir un dossier sur le Virtual Boy, lui qui a réussi à réparer celui qu'un tiers m'avait donné. Là. Oh! Oui, il a joué au Virtual Boy. Oui, mais on a parlé. Oui, l'aventure. On va commencer ici à 70% avec Possession simple comme un cave. Je me suis rappelé que cette tune-là existait, mettons, la semaine passée. Puis ça fait depuis mon secondaire 5 que je ne l'ai pas entendu. Fait que ça va faire bizarre. Possession simple, comme un cave, puis on vous revient à 70%. Benoît. Un jour, elle a dû s'évader, bien longtemps. Ses voyages l'ont surtout aidé. Comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Et quand elle part, j'entraîne ma mémoire à oublier jusqu'à son nom. Aujourd'hui, j'ai fréquenté successivement ne m'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, si présente en même temps. Oh, comme un cœur, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Des fois, quand elle part, moi je traîne dans les bars. Hey! Dans un premier temps, j'aimerais me présenter. Mon nom est André Drolet, je suis directeur du service de placement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis quelque temps déjà, nous voulions préparer une vidéo pour aider les étudiants et les étudiantes à préparer, un, leur curriculum vitae, la rédaction, dans un deuxième temps, de la lettre de présentation, et dans un troisième temps, la première entrevue chez un employeur. Ce vidéo, donc, sera en trois parties. La préparation du curriculum vitae, la lettre de présentation et la préparation de l'entrevue. Résidence permanente et à la résidence temporaire, afin que l'employeur soit à même. Flexoflex soulage en profondeur, là où ça fait mal. Eh oui, là où ça fait mal, là où ça fait mal. Eh oui, là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Flexoflex agit là où ça fait mal. Il agit là où ça fait mal. Exactement à cet endroit-là. Où est-ce que ça ferait mal? À l'endroit où est-ce que Flexoflex va agir. C'est exactement ça. Ouais. Ou dans un même ordre d'idée, XR patrouille de la galaxie, donc... C'est son domaine. C'est son domaine. Ouais. Son domaine, c'est notre galaxie. C'est ça. Effectivement. Donc, pour continuer de parler d'affaires qui font mal, mercredi dernier, à Hong Kong, la police a reçu un appel de détresse étrange d'un homme indisposé. Xing, un homme de 41 ans, a appelé la police d'un parc public en plein milieu de la nuit. Il a cru que ce serait une bonne idée de faire l'amour avec un banc de parc en métal. Oh man, oh non. Le banc en question contient plusieurs trous, ce qui avait attiré Xing en premier lieu. Qu'il a utilisé pour s'auto-satisfaire. Ben oui. Malheureusement pour lui, au moment de son érection, il a réalisé qu'il n'arrivait plus à sortir son pénis du trou. En panique, il a appelé la police qui a trouvé Xing face contre terre accroché au banc. Les docteurs ont essayé de faire baisser la pression en vidant un peu de sang de son pénis, mais l'enflure était tellement grave qu'ils ont dû couper le banc au complet et amener Xing à l'hôpital avec le banc. Quelques heures plus tard, Xing était libéré. Une heure de plus, les docteurs ont affirmé, et Xing aurait été libéré de son pénis en même temps. Oh man! Le gars, il est sur YouTube, c'est sûr. Là, il y a quelqu'un qui a mis ça là. Il y a des photos, en tout cas. Hey, ça doit être fabuleux. Le gars qui était excité par un banc de parc, man. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on va essayer de chasser le chat. On va sauter dans quelque chose qui est tellement, tellement plus concis, hein, tellement mieux. On parle bien sûr de Simon Boisvert et de ses créations. Simon Boisvert. Voilà, ce soir, c'est donc Vénus de Milo qui a été choisi au douteux.org. Vénus de Milo, Simon Boisvert. On se donne un petit élan, on y va sur Maisonneuve entre... On en parlait tantôt, hein. Je vais me donner un petit repos là, parce qu'on se prépare. Là. Mais je veux dire, le graffiti qu'il y a sur Maisonneuve entre Berry et Saint-Denis, qui est écrit « Tuer les polices ». Tuer les polices. Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'ils tuent les gens. Ah ben, hein? Puis, sinon aussi, celui Coin Villeray, la jeunesse au Vidéotron, qui dit « Notre vie est plate ». Ouais. Oui, donc c'est quelqu'un, un appel à l'aide ici, qui est dissimulé sur... donc, on vient de folâtrer un petit peu, ce qui fait que Vénus de Milo va se remettre un petit peu plus digeste. Vraiment, la plus grande joie que j'éprouve dans tout le processus douteux.org, c'est le questionnement. Je veux dire, il y a de la collecte d'informations, il faut des fois l'épurer, des fois il faut la tester, il faut la transférer, la changer, l'archiver, la compiler, la doubler, hein, la noter. Mais le questionnement, ça reste tout le temps le petit bonus de la fin. Donc, j'aime me questionner plus que quoi que ce soit d'autre sur la chose culturelle, on s'entend. S'enfarger à chaque douteux dans autant de superlatifs condensés et renouvelés, c'est trilant. Il y a aussi d'être témoin de l'aboutissement d'un questionnement d'une tierce partie. Quand je dis aboutissement, je parle d'une impression de tomber et de ne plus voir le sol vers lequel on chute. C'est ça, aboutissement ici. Okay. La manifestation d'un tel phénomène est tout le temps empreinte d'une pulsion violente. Certains rares en font une boule et tentent de la digérer en silence. La majorité laissera s'exprimer ces pulsions violentes. C'est ce qui explique les projectiles dont on sert au brouhaha, bien sûr, pour essayer de baisser la tension. Car le douteux, c'est un peu comme une torture de dieu grec. C'est un paradoxe, une énigme sans solution dont les répercussions affectent chaque jour de nos vies à tous. En fait, de ces manifestations, j'en ai vu assez pour en venir à nommer le phénomène. C'est bien sûr le coming out douteux. Et c'est quelque chose, oh oui, c'est quelque chose d'assister à la première manifestation au coming out douteux d'un doutologue néophyte. J'ai vu tellement de formes et de couleurs que cet aboutissement peut prendre que toutes les énumérer ici prendraient un effort de mémoire impossible et puis ben, 2 heures de votre temps minimum. Simon Boisvert est de ceux qui peut provoquer un de ces coming out douteux. Peu sont les braves capables de rester quoi devant ces litanies moralisatrices, ces dialogues à sens unique, sa monovision des conflits hommes-femmes, formant un agrégat de caricatures grotesques de personnes. Et quand je dis personne, ici, je veux dire nobody. Fait que là, ben, c'est le premier petit bout de mon texte. On va sauter à pieds joints dans les premières séquences d'un excellent long-métrage qui s'appelle Vénus de Milo. Ça a été fait après 2001. Je me rappelle pas la date exacte, là. Mais Simon Boisvert qui est rendu big parce qu'il a fait Les Échangistes puis ça joue au cinéma Beaubien. Il est big. Fait que là, ici, on va écouter donc la première séquence d'extrait. Les Stone Rockers, on va essayer ici de comprendre la dynamique. En fait, les problèmes qu'un band peut vivre. Parce que toi, tu sais pas ça. T'sais. Non, non. Simon Boisvert le sait. Oui, sait. Donc, on va écouter ça. On donne en retour, là, c'est une coupe de pichet de bière. C'est sûr que des fois, j'ai le goût de tout lâcher. Pas facile d'expliquer à la famille qu'à 35 ans, je joue de la guitare pour les Stone Rockers. Mais arrête d'avoir ta famille, c'est tout. Ce que je trouve le plus dur, là, c'est qu'on se force pour créer quelque chose, puis ça te donne rien. Le monde n'aime pas ça, le rock instrumental. Ça nous prendrait un chanteur. Madness Rain. C'est dur à trouver un bon chanteur, Marc. Un vrai. Un rocker. Combien de fois qu'il faut que je te le dise? Pas un pseudo-coder de 19 ans qui se prend pour Engelbert Humperdinck. Moi, je suis sûr qu'il a dit ce gars-là parce que c'est un mot drôle. Il faut vraiment essayer quelque chose de nouveau. Sois réaliste, là. Il n'y a pas un agent d'artiste qui s'est intéressé à nous autres depuis 10 ans. On n'a rien à perdre. Sophie, elle chante bien. Je le sais. Arrête pas de me le dire. Hey, à chaque fois que je la vois, là, tout en train de me chanter une petite toune, là, comme ça voulait que je l'entende. Tu l'aimes pas, Sophie, hein? J'ai rien contre Sophie. C'est juste que je veux pas mélanger les blondes et les chums dans le groupe. Qu'est-ce qu'on fait, là, si vous êtes plus ensemble? On lâche le groupe puis on recommence à zéro? Surtout que toi, Marc, c'est connu que tes relations, ça dure le temps des roses, hein? Qu'est-ce que tu dirais si elle embarquait avec nous autres pour jouer du clavier une fois de temps en temps? Ah, le clavier, c'est kitten. Pas du disco qu'on fait, c'est du rock. Black Sabbath a un joueur de clavier. Ben oui, c'est vrai ça. Puis aux dernières nouvelles, Black Sabbath, c'est pas de la musique d'église? Marquez un point, marquez un point. On va en trouver un chanteur. Voilà. Mais tu t'arranges avec ça. Donc... T'es sérieux là? Ce qu'on comprend ici, là, c'est qu'après 10 ans d'existence, le groupe de Dan, qui est le personnage de Simon Boisvert, a décidé de changer pour la première fois de façon de faire, façon qui ne marche pas depuis 10 ans, pour décider de s'engager un chanteur. Là, bien sûr, il donne la mission à un gars, là, qui, je pense, c'est le drummer. Et le drummer passe une annonce. Et là, on va voir ici, ça, c'est les auditions. Rock and roll all night and put it to you. C'est pas l'esprit Stone Rocker, on le reconnaît pas. Non. C'est en fait, la recherche d'un chanteur est une tâche ardue pour un band. Et puis, bon, on comprend pourquoi Dan s'investit autant avec un tel sérieux. Allons-nous trouver le bon candidat? Voyons. Suivant. Ça sent le montage dynamique, hein? Ouais. T'entends les fesses qui se lèvent de la chaise, là. Et voilà la dame ici. Salut, moi c'est Dan. Salut, Milo Foster. Viens-moi, je vais prendre ta sacoche. Il va prendre sa sacoche, ouais. Mm-hmm. Ben, tu peux me chanter quelque chose? Monsieur, je voudrais danser la bastringue, monsieur, je voudrais danser la bastringue à vos côtés. Hmm. Monsieur, je voudrais danser la bastringue, monsieur, je voudrais danser la bastringue à vos côtés. 100% québécois. Okay. Ouais. Si vous pouvez peut-être juste me la refaire. Un petit peu plus grave. Ça va être meilleur. Monsieur, je vous... Monsieur, okay, je... OK, c'est une joke. Bravo. Et donc, bien sûr, c'est la pitoune blonde babe que Dan, alias Simon Boisvert, va engager pour le band de Stone Rockers. Lui qui, la séquence d'avant, venait de dire qu'il veut pas mélanger les histoires de blonde pis de chum. Hein? Ouais, pis de band. Pis là, ben, à cette heure, il veut engager la pitoune blonde pour être dans les Stone Rockers pour la fourrer. C'est ça. Et devine ce qui va se passer. Il va y avoir de la chicane. Ouais. Il va y avoir des luttes intestines parce que c'est un mot qui fait un lien avec notre prochaine tune. C'est Alfred E. Newman parce que jadis, dans le temps, il y a quelque chose qui s'appelait Mad TV. Mad Magazine. Puis là, ben, il y avait avant Mad les disques. Puis on fait une chanson. Ça s'appelle It's a Gaz. On va l'écouter. On est à 70%. Rappelez-vous ça. C'est douteux. Voilà. Alfred Newman, on vous revient pour d'autres extraits indispensables. Ça en vient, lui, ça en vient. C'est sûr. Ça sent le vinyle qui vient de partir. Terminant, nous avons un magnifique single l'un pour l'autre, Verglas 98, un cataclysme en attire un autre. Band-Aid a commencé cette mode des albums bénéfices en 1984 avec Doudenou, It's Christmas. Et là, cette fois-là, c'est Francis Martin, alias James Kaya Field. Et je ne sais pas s'il a eu une illumination ou peut-être qu'il y avait du courant chez eux et qu'il a pogné un choc électrique, mais il nous a pondu cette merde qui s'appelle l'un pour l'autre. Et vraiment, on atteint un nouveau bas de médiocrité ici. C'est assez cruel à dire aussi, mais ce genre d'album bénéfice, c'est vraiment l'occasion idéale pour récolter tous les has-beens, tu sais, qui ne peuvent pas faire carrière normalement. Et... Notre coco. Il refuse de se mettre à table. Le menu de la maison ne lui plaît pas. Dream le Bœuf vous donne rendez-vous à Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda. De ville en aventure, Lex-Offenbach déborde les scènes du Québec avec son rock, sa fougue et sa tendresse. Dream le Bœuf, mercredi 20 novembre, Auditorium de Val-d'Or. Jeudi 21, Centre socioculturel d'Amos. Et vendredi 22, au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Exclusivité, t'entends sur Choc FM, Roy Enoch, t'entends pute négro. Pour tous ceux qui pensent que c'est pas vrai, vrais négros font vraies choses. Les billets sont entassés, t'entends, dans les réfrigérateurs, chez le Roy Enoch. Hein? Avec son gros pistolet. Pute négro. Heureusement qu'il le dit. T'entends Rive Sud? Rive Sud, le son meurtrier de les représentatifs de la Rive Sud, t'entends? Le Roy Enoch. L'air représentatif de la Rive-Sud, le son meurtrier. De l'air représentatif de la Rive-Sud. De l'air représentatif de la Rive-Sud. T'es possédé par le Rhyme, man. C'est ça, il y a de même le Roy Enoch. Superbe, fait qu'on va aller sur la Rive-Sud se faire attaquer par le pistolet du Roy Enoch. Puis après ça, on va aller faire du blanc avec Breen LeBeuf à Rouyn-Noranda. Val d'Or à Amos. Le centre socio-culturel, man, c'est les belles années. J'en ai retrouvé plein sur mes cassettes de montage là, que j'avais faites, plein de pubs abitibiennes, des affaires. Là, ah, il y en a du beau stock, ah, hein, les pubs locales. Oui. Là, c'est fait par le petit cousin là, parce qu'il vient de commencer sa business puis qu'il y a deux familles qui ont de l'argent, fait qu'il engage son petit cousin. Il étudie en pub au cégep de Val-d'Or. T'es fou. Non, faut aller loin de Val-d'Or pour étudier en pub. Attention. Non, mais sinon, belle aventure, il va y avoir plein d'autres extraits aussi. Je suis pas mal content d'avoir retrouvé ça. Ah, c'était superbe. Ah oui. Je vais faire une petite nouvelle. Ben oui, j'espère. Parce que je te parlais parce que la chaise vide d'Israël me remplit de tristesse. Ben oui. Mais la semaine dernière, donc, je te parlais à toi et à Israël des sortes de crèmes glacées épeurantes qu'on trouve au Japon. Effectivement, Hippocampe m'a hanté pendant un temps. Ben, cette semaine, l'exposition de crèmes glacées de Yokohama au Japon se tenait. Puis elle vient tout juste de se terminer. Puis, ben là, à chaque année, il y a la crème glacée la plus populaire qui est proclamée. Cette année, est-ce que tu peux réussir à deviner? Non, tu devineras pas. Tu veux que je devine quelle crème glacée a gagné le titre de la crème glacée la plus populaire? Tu pourrais pas. Hey, c'est sûr que je peux pas. Même. Langue de bœuf cette année. Avec vrai morceau? Probablement. Aïe, plus de 125 sortes de crème glacée, dont fromage, pieuvre, mais même celle à la bière n'a pas pu surpasser la langue de bœuf cette année, pour laquelle les gens revenaient et en redemandaient. Elle est délicieuse plus. Avec la crème glacée au vin rouge. Exactement. Avec du pain coupé à bras. Aïe. Colin. Ben, c'est pas pire, hein? C'est comme plus fertile que la semaine passée, j'ai l'impression. Ouais. Le Japon, hein, sur c'est intarissable. J'ai déjà vu, moi, tu sais, il y a eux autres, ils ont comme des quiz vraiment tordus, des fois. Là. Oui. Je dis pas qu'on n'a pas des tordus ici, là. Tu sais quoi, c'est qui paye gagne, là, les gros, là, puis qui décide de le traduire en plus à la place de trouver des gros ouais, sites. Ouais, à la place de le faire avec des gros ici. Mais sinon, c'est ça, je me rappelle un show, moi, au Japon. C'était quatre gars qui était assis, on voyait juste le face, puis il y avait comme une silhouette d'eux autres qui faisait qu'il était assis comme à un bar sur des tabourets. Je pense haut. Que je l'ai vu, moi aussi. Puis là, ben, il se faisait rentrer des affaires dans le derrière, puis il fallait pas que ça paraisse que la madame en arrière, l'hôtesse, dans les fesses duquel elle jouait. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, c'était assez. Il y avait comme il y avait des gars en avant qui faisaient assemblant de pas savoir c'était qui, puis c'était le jeu, c'était que eux autres devinent c'était lequel. Ouais, mais ils prenaient le temps parce qu'ils voulaient être sûrs. Ouais, c'est ça, parce qu'ils voulaient trouver ça drôle. C'est fabuleux. Ouais, fabuleux. C'est fantastique. C'est, en parlant de fabuleux et de fantastique, je pense qu'on va saucer encore une fois dans. C'est pas pire parce que je parle de Roger Normandin. Ben oui. Fait qu'on parle de fabuleux et de fantastique. Invraisemblable. Invraisemblable. Donc, c'est pas un hasard si j'ai proposé Vénus de Milo, le mieux coté des bois verts. J'aime ça dit de même. Chez douteux.org, deux semaines après la quatrième dimension de Sir Roger Normandin. Rogers Normandin. Les deux sont ce qui se fait de mieux au Québec en matière de douteux actuel local. Mais entre les deux, les différences sont nombreuses. Normandin est pape d'une flopée de fidèles avides de normandinisation. Normandinisation autant euphorisante que tannasiante qui ne peut être dispensée que par Normandin. Normandin est également père d'une œuvre à laquelle on peut facilement poser les synonymes innocent, inoffensive, sans prétention, amateur, improvisé. Créative, tordue et surtout moralisatrice. L'œuvre de Boisvert sera en maximum, je dirais, 15 minutes plus tard après le début du film. C'est ça, l'œuvre de Boisvert sera en maximum 15 minutes et par tout le monde, classée sous les onglets de pédant, suffisant, hautain, snob, fraîchier, assommant, si tu changes pas de sujet, je m'en vais, prétentieux, overdose de narine et surtout, mais moins, ben, disons plutôt différemment de l'autre, moralisatrice. Mm-hmm. Un bois vert a un grain d'image et de qualité moyen plus à plus. On parle bien sûr du film lui-même. Un soin évident est appliqué au décor. Tous sont sobres et font sûrement partie du quotidien de quelqu'un ayant participé à la création du film et qui veut surtout pas que ça traîne quand ils vont partir. Les costumes sont la garde-robe des gens qui jouent dans le film. Et quand je dis jouer, je dis rendre la vision de Simon Boisvert à l'écran pour que l'on, les spectateurs, comprennent toutes les facettes psychologiques des antagonistes mis en interrelation. Simon Boisvert est, 80% du temps, le héros de ses films. On peut dire que ce sont ses films parce que Diana Lewis, la réalisatrice, n'est qu'une femme et que les femmes, de toute façon, ça sait rien faire d'autre que de se pomponner et de penser à son nombril. Ben là, voilà. Ben, anyway. En tout cas. On peut aussi dire que ce sont les films de Simon Boisvert parce que ce créateur de l'Ouest de l'île, précieux employé à la traduction-rédaction du cinéma du parc, écrit, produit et 80% du temps, bien sûr, se place au centre de son récit. Là, on va faire une petite expérience tout ensemble. J'ai jamais essayé ça. Je ne sais pas comment dangereux ça va être, mais mettez-vous confortable. On va faire un petit exercice de jeu de rôle ici à 70% live. Donc, mettez-vous à l'aise. Maintenant, admettons que Simon Boisvert ait beaucoup de difficultés à faire abstraction de son univers. Admettons un court instant que Simon Boisvert ne soit pas un si bon acteur que ça et qu'il ait de la difficulté à atteindre la semi-objectivité, la vision générale nécessaire au travail d'un bon scénariste. Admettons le temps d'un point à la fin de cette phrase, que Simon Boisvert ne soit pas capable d'imaginer des personnalités autres que la sienne et qu'il soit réellement un pédant moralisateur dans la vraie vie, au point de faire que tous les personnages de ses films ont tous l'air sortis d'un hypothétique et terrifiant « Being Simon Boisvert ». Quand je vous dis que Simon Boisvert peut pousser à des pulsions violentes, je dis que ce sont des films lourds, peuplés de victimes asociales qui règlent leurs problèmes en s'en créant des plus gros. Ça fait du bien. On va aller écouter ici d'autres extraits de, bien sûr, l'excellent Simon Boisvert. Ce qui se passe dans le fond, c'est que là, Simon vit la vie de tout le Dan, bien sûr, vit une vie de tous les jours. Son band a un renouveau grâce à la venue de deux nouveaux membres, parce que finalement, il va prendre la blonde de l'autre, là, qui joue du xylophone, du clavier, là, qui fait église. Là, on va voir ici une petite tranche de vie de Simon Boisvert, un classique. Leur travail ici, pas pire, hein? Coudon, c'est qui le waiter? Je pense pas si occupé ce soir. Non, oui. C'est bien sûr le monteur qui détermine le rythme d'un film. Une de mes amies a déjà fait ça. Oui, bonsoir. Je suis assis à la table près des machines vidéo poker. Est-ce que ça serait possible d'avoir un waiter à notre table? J'ai dit, je suis assis à la table près des machines vidéo poker. Ça fait 15 minutes qu'on est arrivé puis il n'y a personne qui est venu prendre notre commande. Est-ce que ça serait possible d'avoir un waiter à notre table? Puis crachez dans ma bière, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Hey! Tu m'as raccroché à l'ignonné? Ah ben, hein? Hey, il réagit, ce gars-là. Aïe, aïe, aïe, aïe, une beauté, bien sûr, c'est Simon Boisvert qui était au restaurant avec sa petite copine, qui est la nouvelle chanteuse, lui qui venait juste de dire « il faut pas avoir d'histoire de cœur entre les membres du band, parce que, tu sais, pis tout. » Mais non, c'est pas grave, parce que c'est Simon, c'est son band, c'est Dan, c'est lui le plus fort. Et puis ici, ben on va voir Dan qui rencontre deux producteurs différents, on va voir deux visions très différentes de la chose. Il y a un marché pour tous les genres de musique, madame. Mais tant que je l'ai pas écouté, je peux pas rien vous dire. Généralement, comment je procède, c'est que je rappelle la personne et je lui donne du feedback, même si on n'accepte pas son CD. Une semaine ou deux après, la relève nous tient à cœur. Oui, Joe, elle dit ça, mais c'est pas vrai parce qu'elle jette ça dans les poubelles. C'est ça qui marche en ce moment. Là, ça, on va le faire reculer, là, ça vaut la peine. Une semaine ou deux après. Ouais, c'est ça, on veut plus t'entendre. Écoutez ça. Ça, oui, Joe, j'ai signé deux groupes de filles de 19 ans cette semaine. C'est ça qui marche en ce moment. au pluriel chacun, ça veut dire au moins quatre. Plus on enseigne, plus on a de chances de tomber sur la prochaine grande vedette. De toute façon, la popularité d'un artiste, c'est juste une question de marketing. Ça n'a rien à voir avec la musique. Puis quant à moi, ça sent tout pareil, la musique pop. Ouais. OK. OK. Bye. On a donc les deux côtés d'une médaille très hypothétique. Mais comment est-ce que le producteur gentil ici qui donne sa chance à tout le monde va tomber sur le disque de Simon Boisvert, alias Dan? Ça va bien? Oui, ça va. J'ai fini les ménages des autres bureaux plus vite aujourd'hui. On va faire du bien une fenêtre bonheur. En tout cas, votre poubelle est pas remplie de CD et de cassettes comme chez Daf. Tu fais le ménage chez Daf aussi? Ça, c'est l'autre producteur. Ouais, j'avais cru comprendre. Bien que je gomme ma vie, j'espère que ça vous dérange pas. Non, non, ça me dérange pas du tout. T'as le droit de prendre des contrats où tu veux. Mais pourquoi tu dis que leurs poubelles sont pleines de CD? Ben, il y a une petite madame qui jette un paquet de CD et de cassettes à tous les jours. Des fois, je les ramasse. Et tu les gardes? Bon, moi, je les écoute pour le fun, c'est tout. Je pense qu'on devine. D'habitude, c'est pas fameux. Mais j'ai écouté ce disque-là, pis ça, c'est bon. Dernièrement, j'en ai entendu un qui était pas mal bon. Et... j'ai bien entendre la guitare. La guitare, bien sûr, Dan, Simon Boisvert, le guitariste. Ça te dérangerait pas de me le faire écouter? Et voilà le nœud ici. Le band qui va devenir big grâce à la rencontre fortuite. C'est le climax média. Et voilà, bien sûr, et bien aussi le début du problème, parce qu'on sait que dans un band, c'est pas facile de rester uni quand la dynamique change complètement d'un coup. Quand on commence à faire de l'argent, là, c'est là qu'on commence à plus s'aimer. Voilà. Mm-hmm. Des mots durs, mais vrais. Dan devrait en prendre note. Hey, moi, j'ai été content parce que j'ai retrouvé une toune de Bruce Springsteen que je trouve excellente. C'est pas un de mes préférés, Bruce Springsteen, mais 57 Channels and Nothing On, je l'aime bien gros. Moi, c'est une bonne toune, moi aussi. Je suis d'accord, fais-la jouer. Fait qu'on va faire jouer ça, là, puis on va revenir. Là. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir des nouvelles, des extraits. Là. J'ai une prémonition. On s'en va écouter Bruce Springsteen's 57 Channels and Nothing On. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home and I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Might have made some friends with some billionaires. We might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye bye, John. I love 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet. Busted me for disturbing the almighty peace. Judge said what you got in your defense, son. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. I can see by your eyes, friend, you're just about gone. 57 channels and nothing on. Choisis, anima. pourquoi nous aimer tous les deux, elle et moi? Amour jaloux, tendre inquiétude, émotion indésirable et tenace. Douleur muette, mal cachée. Ne manquez pas Chambre en ville, mardi, 19h. Notre histoire commence dans un archipel minuscule, isolé au milieu du Pacifique. Un groupe d'atolls qui sert de champ d'expérience pour les bombes atomiques et les bombes à hydrogène. C'est dans un hangar d'apparence anodine que s'abrite le plus puissant engin de destruction que l'homme ait jamais conçu. 2, 1, 0. C'est fait. La toute-puissante bombe à hydrogène a éclaté. Les bâtiments se désagrègent. Le ciment est réduit en poussière. L'acier se volatilise. Les solides deviennent liquides et les liquides... Au but! Le ravage est absolu. Mais ces expériences, quelles blessures n'infligent-elles pas à la terre maternelle? La race humaine peut-elle continuer à porter à la nature de tels coups sans susciter quelque part dans les profondeurs souterraines une réaction, une contre-attaque, un cataclysme? Ici André Arthur de la radio à Montréal, bande de BS. Vous écoutez 70% sur choc.fm. Au moins, ils ont un job, eux autres. C'est pas comme moi qui est simple député. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive quand la toute-puissante bombe atomique explose et qu'elle transforme les solides en liquide? Et... Elle fait des... Quel dommage ne fait pas à telle, pas à la Gaïa, notre mère patrie? Notre mère nourricière à tous. Et bien sûr, c'est la vengeance qui prend forme sous les traits de Rodan. Un mètre par un mètre et demi de rubber étiré en forme de chauve-souris Dolorama. Superbe film. Ah, je te jure, il détruit toutes les maquettes du film. Tout. À la fin, ça prend une stock shot, en fait, d'explosion atomique pour venir à pour bout. Pour venir à bout de Rodan. De Rodan. Le Godzilla des Cheapos. Oh, crème, oui. Donc, nouvelle. Nouvelle, d'accord. Ah, ça va être cool. C'est bon, ça va être, c'est pas pire, ça. Je suis tombé là-dessus. C'est Clive Thompson du blog Wired Games Without Frontier. Qui a apporté une théorie intéressante sur la raison pour laquelle la diète Weight Watchers fonctionne si bien et existe depuis si longtemps. C'est parce que le Weight Watchers, c'est un RPG. Ah! Le programme Weight Watchers est connu précisément, est conçu précisément, pardon, comme un jeu de rôle. C'est pourquoi les gens l'aiment et continuent et ont des résultats. Comme dans un RPG, tu choisis un personnage virtuel, tu organises ton inventaire, tes ressources, tu essaies d'atteindre un but. Les points Weight Watchers fonctionnent exactement comme des hit points. Chaque bouchée de nourriture endommage ton avatar jusqu'à ce que tu aies utilisé toutes tes HP. Jusqu'à temps que tu ailles faire dodo. Exactement, c'est ça, tu vas te coucher. Le lendemain, tu peux recommencer. Si tu joues bien, tu montes de level en perdant du poids. Puis les MP, c'est comme, mettons, de l'argent. Parce que ça te permet d'acheter tes affaires. Plus tu joues, plus tu découvres des combinaisons intéressantes dans les règles. Ben oui. Que t'avais pas vu au début. Comme si, mettons, genre, je mange du granola le matin, puis un œuf avec une salade le midi, il me reste assez de points pour, genre, manger du McDo le soir. Oh, ben. Puis, même leur site internet a un design semblable à celui d'un RPG. Si vous, mettons que vous mangez une barre de chocolat par erreur, puis là, vous avez tout perdu vos hit points, vous avez l'impression, vous allez là-dessus, puis là, ça vous donne les spells, les nourritures que vous pouvez utiliser pour vous en sortir. Hey, mais c'est pas fou, pareil. Puis, je sais pas, j'imagine le gars qui donne un surnom à son entité qui est en train de faire un régime. Gardakan. Gardakan le brave. Qui tenace, là, qui tient face à la faim, man. À la faim. Pour toujours. Qui monte de level en devenant moins gros. Ah ben j'avoue, c'est une belle dynamique. Hein? T'en as-tu un autre ou moi je peux? Ben ouais, je peux te faire, j'ai m'en reste une. Ah ben on la garde pour tantôt. On peut la garder pour tantôt. Ben oui, parce que là on va passer encore une toune, on continue notre rotation. À moins, sais-tu du Simon Boisvert? Peut-être qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu à Simon Boisvert encore. Hein? On est rendu à Simon Boisvert? On est rendu à Simon Boisvert. On va faire Simon Boisvert. On va faire Simon Boisvert. Donc, retrouvons l'endroit bien sûr. Caroline, Vincent, Stéphanie, Manon, Jean-Charles, Simon, Armand, Bertrand, Marie, Trédignon, X, Gilles et Nicole. Des gars, des filles et un salaud. Vénus de Milo. Les échangistes, je dois bien en oublier un, et bientôt 40 is the new 20. Voilà la liste des longs métrages dont Boisvert est directement responsable. Il a décidé de tourner le dernier en anglais parce que, je cite, je suis curieux de voir ce que mes textes vont donner en anglais. En tant que gars qui en a vu d'autres et qui aime bien se poser des questions sur la chose culturelle, je propose... On va encore une fois se mettre à l'aise, comme tantôt. Hein? On va penser à des choses qui sont belles. Tous ensemble, on va voyager. Je vous propose encore, imaginez une dernière fois, un monde dans lequel Simon Boisvert a distribué son film en anglais aux États-Unis. Imaginez un producteur hollywoodien, curieux et intéressé au cosme culturel québécois depuis longtemps. Imaginez la rencontre entre le jeune réalisateur indépendant qui a fait ses classes dans sa cuisine, en se rappelant bien sûr de déploguer le fridge pour pas avoir un bruit de fond, et un gros fat cat qui voit un créateur se démarquer au sein d'une culture à laquelle il ne comprend rien. Je profite de votre état d'ouverture d'esprit pour résumer, en usant de ses propres mots, toute l'œuvre de Simon Boisvert. Anyway, ben là, en tout cas, Semble que. Hein? Fait que là, on va retourner saucer dans du Simon Boisvert, du vrai, du peu. Ils sont rendus des stars parce qu'ils ont signé, c'est sûr que c'est les meilleurs. Dan, le guitariste, vit des délires de paranoïaque. On est bien sûr... on va avoir des séquences de chicanes. C'est quoi? C'est Israël qui arrive? Bonjour, oui. Israël. On s'en va dans le film et puis on revient. Michel, tu penses pas que t'en as assez pris? Le show commence en 15 minutes. Ben ouais, mais là, tu seras pas capable de jouer. Faut le laisser dégriser. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben je sais-tu, moi. Commencer à jouer plus tard? Non, mais bravo, la guerre. De toute façon, c'est de votre faute, là. Pourquoi vous l'avez laissé boire de même? Toi, là, mêle-toi donc de ceux qui te regardent, puis fais ta job! C'est quoi déjà ta job? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Michel a bien trop bu. Il sera pas capable de jouer. On peut pas canceller le show, il va y avoir une émeute. Ben, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On attend qu'il soit prêt à jouer, Dan. Ça, c'est quelqu'un qui vomit avec un bruit de fond de vomi. Ouais, c'est ça, je pense. On le voit pas vraiment, hein? Non. Ils sont en train de le purger, là, parce qu'il faut y aller, sinon il va avoir une émeute. Ben oui. Le Ben est tellement gros, d'abord. Ben oui. Ils font-tu le stade olympique, là? Je vais te jouer, là. En fait, bientôt... Donc, là, il est prêt à jouer. On attend juste qu'il soit prêt. Dans environ 20 secondes, on va avoir un clip au complet tiré de Simon Boisvert. C'est Dre là. Pendant le clip, on voit juste la chanteuse puis rien d'autre là, sur un stage. C'est assez minimaliste, je dirais. Est-ce qu'on voit le crowd pour voir comment le stage est gros? Non, c'est gardé à l'imagination de celui qui va endurer la toune. On écoute ça. Ça est tiré direct de Vénus de Milo, en fait. C'est le band Vénus de Milo et leur chanson qui a un titre dont je n'ai rien à faire. On vous laisse. Ça dure 3 minutes. C'est une toune. C'est un clip dans le film. C'est ça. Parfait. C'est Dan, good. Simon Boisvert qui guitarise, il paraît. On va revenir dans 3 minutes. Oh oui. Yeah. Donc, suite à la grosse performance de Vénus de Milo, le nouveau nom des Stonewalkers, on se retrouve dans la loge après une performance assez mouvementée. On va voir comment ça va se passer. De une tonne. De une tonne. Okay, gang, on fait le rappel dans 3 minutes. Yeah. Non, oui, pas de rappel. Dan, qu'est-ce qu'il te prend? La foule ne le mérite pas. Vous avez fait attendre le monde presque 1 heure et demie avant de commencer le show. Vous leur devez bien un rappel? Pas question, il a dormi tout le show. J'y vais aller, moi. No way. S'il y en a une de vous deux qui retourne sur le stage, là, ça va être votre premier puis votre dernier show dans le groupe, c'est-tu assez clair? Dan, ils ont dormi tout le show parce que tu fais des solos plates. C'est peut-être de ta faute aussi. C'est ta job de faire embarquer le monde. Dan, si t'arrêtais pour te prendre pour Jimi Hendrix, je pense que ça irait mieux. Irait mieux. Les solos de 10 minutes plates, ce n'est plus à la mode. T'es-tu jaloux? C'est parce que tu sais pas jouer 2 notes de piano, toi? Hey, hey, on se calme. Vous réglerez ça après, vos chicanes d'amoureux. Ouais, ça peut te cacher, Mila. Ma sœur et moi, on a passé sur ta rue il y a 2 semaines à 3h du matin. On l'a vu, le petit char à Dan. Oh, oh! Oh, oh, le chat sort du sac. Ah oui? Il y a des tensions dans ce groupe-là. Maman et papa t'ont laissé sortir jusqu'à 3h du matin. Toutes sortes de cadavres dans toutes sortes de garde-robes, man, qui sont tous en train de s'enterrer, s'enterrer ouvrir. Puis maudit que les gars, c'est des trous de cul, puis que les filles, c'est des connes, hein? C'est sûr. C'est épouvantable. C'est sûr, on généralise pas ça de même. Bon ben, c'est pas mal la fin de cet extrait-là. Ce qu'on va faire, c'est que ici, j'ai comme mélangé Dumb and Dumber et puis Dimitri from Paris. Ça dure une petite minute, puis tu vas revenir, tu vas nous faire ta dernière. C'est en même temps, genre? Ouais. Ça va, c'est moi qui ai fait ça. Non, non, non. Non, j'ai pas dit ça. C'est comme un film de Joseph Life, finalement. Ouais, c'est à peu près ça. Yeah! On est revenu! C'était pas facile. Non. Belle perruche. Belle perruche. Fait que je vais faire ma dernière nouvelle. Des propriétaires de maisons d'un nouveau développement rural en Utah se plaignaient des activités fermières et des odeurs émanant de la ferme adjointe à leur terrain. Mais le voisin immédiat refusait de copayer la clôture. Alors Red Davis, le fermier en question, a décidé d'en fabriquer une lui-même avec les matériaux qu'il avait sous la main. Des vieilles voitures. Davis appelle ça le Stonehenge Redneck. C'est pas qu'il aime pas ses voisins, c'est juste qu'il pense pas que ses voisins comprennent son style de vie. La clôture est donc constituée de une Ford et 2 Toyota, entrée tête première dans le sol. Il a l'intention de les décorer pour Noël. Hey, hein, c'est le Stonehenge Redneck parce qu'il a planté 3 chars. Yes! Bravo, mon grand. On parle de lui, man. On est au Québec. Et on parle de lui à 70%. Parce que c'est important que le monde sache. C'est très important. Il faut que le monde sache. D'ailleurs, que le monde sache que ce soir, nous lançons un concours à 70%, douteux.org, en collaboration, parce que c'est pas le même monde. Non. 70%, donc, envoyez-nous, en fait, à douteux.org. vos photos de ninja dans la ville de Montréal. N'importe quelle photo de ninja. On veut des preuves d'un ninja en ville. J'en ai déjà vu. Moi, il y en avait à ma fête. On le sait. On sait qu'il y en a. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Une Ford plantée dans la terre? Qu'est-ce qu'il a gagné, Tommy? Là, pour l'instant, je veux une pile de VHS douteux, là, mais sûrement qu'on va trouver de quoi d'un petit peu plus considérable. Donc, pour l'instant, probablement des trucs introuvables. Voilà. Qu'on va pouvoir vous transmettre. C'est sûr et certain qu'il y a de quoi. Sinon, ben, allez voir au douteux.org pour savoir où envoyer les photos. On veut des photos de ninja. Des photos de ninja dans la ville de Montréal. Voilà. Le plus possible. Si les ninjas sont en action, c'est encore mieux. C'est sûr. Parfait. En train de muncher. Donc, ben, merci Israël d'être passé. On souhaite que Benoît aille pour le mieux possible. Un bon rétablissement. Je reviens de voir. Il reprend du poil de la bête. Il parle plus fort qu'hier, moins que demain. Bon, ben voilà. Puis, ben, Bruno, merci ben gros. Ça fait plaisir. On va commencer à annoncer samedi le 23 août. Il va y avoir un meeting, en fait, un party toute la journée chez moi, Tommy. Donc, ceux qui sont intéressés, douteux.org, on va vous envoyer l'adresse. On veut faire des clips toute la journée, là, parce que c'est cool faire des clips, puis boire de la bière, là, puis écouter des affaires douteuses, là, puis ces affaires-là. Excellent. All right, get together. Sinon, ben, on va vous laisser ici avec notre tune thème de la fin. Puis après ça, ben, ça va être des derniers extraits de l'excellent Vénus de Milo avec le sublimissime Simon Boisvert dans son rôle de lui-même qui est meilleur que vous autres. Merci, c'était 70% d'aujourd'hui. Et puis, ben, c'est sûr, ça devrait être pas mal pareil la semaine prochaine. Allez voter au douteux.org. Je sais même pas c'est quoi les films en prod. J'en fous. Envoyez-nous vos photos ninja. Et voilà les photos ninja, oui. S'il n'y a pas d'infos sur le site internet, envoyez-les tout simplement à bruno@douteux.org. Il y a un petit lien sur le site internet. Moi, je vais m'occuper du reste. On va être capable de réintroduire le ninja dans l'écologie nord-américaine. Moi, j'ai confiance. C'était 70% encore une fois. Salut. Aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le fond. Aïe, j'ai mal à mon occipital. Mais là, ça va aller mieux. Faut écouter du douteux. Rien qui a marché. Michel, t'es malade. Le show a commencé en retard. La foule embarquait pas. Tony m'engueule. Puis Maryse, là. Bon, c'est comme une sortie d'école pour elle. Coudon, je pense qu'il y a quelque chose entre vous deux. Ah, ouais. T'étais fâché quand Tony a parlé des chicanes d'amoureux? Entre qui? Moi et Maryse ou moi et toi? Ça l'est, man. Mais là, tout le monde est au courant. Non, c'est juste les sœurs du charme, là, les petites pestes qui savent qu'il y a quelque chose. Je ne veux pas de placotage. En qui? Toi puis moi ou toi puis Maryse? Au sort d'elle! Hey, t'es pas capable de prendre une joke, toi, hein? Sandra? Oui? Il y aurait pas un certain Dan Côté qui serait venu porter son démo il y a quelque temps? Je pense pas, là, mais j'en reçois tellement que... J'en doute pas, là, mais Dan Côté, c'est pas n'importe qui. Il me semble que tu devrais savoir ça. C'était le guitariste des Stone Rockers. Ça te dit pas quelque chose, ça? Non. Si je te dis ça, là, c'est parce que Dan a obtenu un contrat de disque avec Neptune International, puis son CD est rendu 5e au palmarès. T'as pas aimé ça quand tu l'as écouté? Écoute, là, je sais même pas de qui tu parles. Ils ont changé leur nom pour Vénus de Milo. Puis il paraîtrait que Dan est venu porter son CD seulement ici. J'imagine que c'est là que son CD aboutit. Premier avertissement. T'as-tu vu ça, toi? Dan pis Mila couchent même pas dans la même chambre. Non, mais c'est pas si niaiseux. Tout le monde le sait qu'ils baissent ensemble, ça. Ouais, mais je sais pas si Dan aimerait ça apprendre que sa petite Mila est aux deux. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes là? T'aurais dû la voir hier soir. Elle est rentrée dans ma chambre. Elle m'a poignée par le cou. Puis elle m'a embrassée. Je suis sûre qu'elle voulait aller plus loin. Je l'ai repoussée, là. Belle autre affaire que je sais sur elle. Dan, je ne suis plus capable. Family Affairs Productions, en collaboration avec Synergie Contact, Chaussures Eureka et Choc FM, présente Lueur dans l'œil, défilé de mode au profit d'Opération Enfant Soleil. L'événement se tiendra vendredi le 15 août 2008 à 19h au Col Anoté, situé au 5240 Avenue du Parc. Prix d'entrée 20$ à l'avance, 25$ à la porte. 3$ par billet ainsi que tous les profits des tirages seront remis directement à Opération Enfant Soleil. Infos et réservations 514-616-88828. Vous écoutez Choc FM. Choc.